sang meurtri éclabousse. Un pétale de rose effeuillé sur ta bouche, mon amour, sur ta bouche, comme une mouche. La chair des fruits d'un jeu, écorchée de larmes, petite lame, sous ton crâne, petite lame, sous ton crâne. Le jour s'en vient, la nuit s'en va. La nuit s'en vient, la mort nous parle de l'hiver qui recouvre la terre de l'enfer. Qui m'éclaire et m'enserre. Des jours bien trop courts, mon amour, de la mer où se perdent nos rêves, nos rêves. Trois petites flammes d'azur pâlie ont surgi, mis dans ma tête un incendie. S'enfuit, dans la nuit, irradie, dans la nuit. Le jour s'en vient, la nuit s'en va. La nuit s'en vient, la mort nous parle de l'hiver qui recouvre la terre, de l'enfer qui m'éclaire et m'enserre. Des jours bien trop court, mon amour, de la mer où se perdent nos rêves, de l'hiver qui recouvre la terre, de l'enfer qui m'éclaire et m'enserre. Des jours bien trop court, mon amour, de la mer où se perdent.